je n'ai pas voulu ça. Quelqu'un s'est emparé de moi. Je sais que vous me croyez pas. Le cauchemar n'en finit pas. Pourquoi me couvrir de proie? Et pourquoi ces regards en coin? Mes amis fuient et se dérobent, me traitant comme un assassin.